Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 52. Du don de conseil. Le don de conseil, l'un des 7 dons du Saint-Esprit, répond à la prudence. Pourquoi la 5e béatitude, bienheureux les miséricordieux, etc., se rapporte à ce don? 1. Le conseil prend-il rang parmi les dons du Saint-Esprit? Le conseil doit être rangé parmi les dons du Saint-Esprit. L'Écriture le déclare en termes formels, sur lui, sur le Christ, se reposera l'esprit de conseil. Isaïe 11, 2. Dieu meut tous les êtres de la manière qui convient à leur nature. Le propre de la créature raisonnable étant d'être mû vers l'action par les recherches de la raison, ce que nous appelons conseil, on s'exprime convenablement en disant que l'Esprit Saint nous meut par forme de conseil. C'est ainsi que le conseil est compté au nombre de ses dons. Note. Par ce don l'homme est dirigé comme si le Saint-Esprit lui-même devenait son conseil. Tel est le partage des enfants de Dieu. Fin de la note. 2. Le don de conseil répond-il à la vertu de prudence? Le don de conseil a pour objet ce que l'on doit faire en vue d'une fin, et tel est aussi celui de la prudence. Dès lors ce don et cette vertu se correspondent mutuellement. La raison éternelle étant la règle suprême de tout ce qui est droit dans l'homme, la prudence, dont la nature emporte l'idée d'une raison droite, reçoit son perfectionnement de l'impulsion et de la direction que lui communique l'Esprit Saint, ce qui a lieu par le don de conseil. Ainsi ce don correspond à la prudence, comme secours et comme perfectionnement. Note. Le don de conseil correspond directement à la prudence, par la raison qu'il a avec elle un même objet. Dirigé par le Saint-Esprit, notre raison devient capable de se diriger elle-même et de diriger les autres. Fin de la note. 3. Le don de conseil subsiste-t-il dans le ciel? Le don de conseil demeure dans les bienheureux en tant que Dieu leur continue la connaissance des choses qu'ils savent, et que, relativement aux œuvres qu'ils doivent accomplir dans le gouvernement du monde, il leur en apprend d'autres. 4. La 5e béatitude, bienheureux les miséricordieux, etc., correspond-elle au don de conseil? Le moyen d'échapper aux maux de cette vie, dit saint Augustin, c'est de pardonner et de donner. Le conseil ayant pour objet les moyens qui nous conduisent à notre fin, ce qui est le plus utile à la fin de la vie humaine lui correspond plus directement. Or rien ne nous est plus nécessaire que la miséricorde, selon cette parole, la piété est utile à tout. 1 Timothée 4, 8. Pour cette raison, au don de conseil répond spécialement la béatitude de la miséricorde, non pas qu'il la produise d'une manière immédiate, mais parce qu'il en dirige les actes. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.